MPS Communication présente DJ Youth. Personne n'a le mot de part du devenir de quelqu'un, car seul Dieu décide. Écoutez-moi bien, vous autres. DJ You. MPS Production.